Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 et on plonge au fil des 60 prochaines minutes dans la sphère du 9e art, dans la sphère de la bande dessinée. Et avec un petit a priori aventure cette semaine, deux bandes dessinées qui nous amènent un peu dans cette sphère, mais de manière quand même très très différentes. L'élément peut-être qui les unit, ben, c'est leur qualité et le plaisir que j'ai eu à les lire et donc de ce fait le désir que j'ai de les explorer en votre compagnie ce soir et également en compagnie de leurs auteurs. Alors en deuxième moitié d'émission, on va plonger dans La Pitoune et la Poutine, nouvelle bande dessinée d'Alexandre Fontaine-Rousseau et de Xavier Cadieux qui nous amène à travers le mythe de Joe Montferrand. On débute du côté de l'Outaouais et Joe Montferrand à un moment donné il est informé que pour se remettre, si vous me permettez le terme, d'une gueule de bois, eh ben il y a rien de mieux qu'une Poutine. Alors, il décidera de se mettre en chasse de cette Poutine. Et comme l'a bien dit dans une de ses chroniques, le collègue Jean-Dominique Leduc, ben, ça devient un float movie à défaut d'un road movie puisqu'on est sur Pitoune et sur l'eau pour tranquillement, ben, refaire le chemin. Et évidemment, ben, Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux obligent. C'est drôle, c'est déjanté, c'est absurde et c'est surtout un plaisir de lire. Alors, ben, ça, c'est, donc, entrevue en deuxième moitié d'émission. Et j'essaie de vous donner le goût et de vous dire peut-être un peu aussi pourquoi moi j'ai eu le goût de les explorer avec les auteurs et avec vous cette semaine. Et dans quelques minutes, ben, on aura le plaisir de jaser avec Jean-François Laliberté autour du tome 2 de la série U Merlin pour le roi, série que j'ai bien aimée, premier tome que j'avais trouvé solide, premier tome qui s'était d'ailleurs qui avait d'ailleurs été récompensé par le prix meilleur premier album dans le cadre des prix BDIS Causa en avril dernier. Et donc une bande dessinée qui compte continue le cycle qui a été amorcé dans le premier, qui réussit à ajouter une nouvelle part de mystère, de nouvelles dimensions, à construire sur ce qui a été bâti. Donc bref, je me disais, on a exploré le premier tome en compagnie du dessinateur Sacha Lefebvre. L'entrevue est d'ailleurs disponible sur le blog lavieenbd.wordpress.com. Alors ben pourquoi pas jaser un peu du deuxième tome en compagnie du scénariste. Alors dans quelques instants, donc Jean-François Laliberté sera avec nous. Alors c'est notre menu pour ce soir. Évidemment, on ira fort possiblement lorgner vers d'autres aspects. Ce sera à suivre et ce sera à découvrir en cours d'émission. Alors voilà, donc pour La Vie en BD, on se met un petit peu de Robot Science avant de se lancer vers notre première entrevue. Continue cette édition de La Vie en BD et on s'en va vers l'espace avec donc U Merlin tome 2 pour le roi, bande dessinée qui est disponible depuis quelque temps déjà du côté des éditions Michel Quintin, bande dessinée dessinée par Sacha Lefebvre, scénarisée par Jean-François Laliberté. On avait envie d'en jaser et Jean-François Laliberté, scénariste, est avec nous au bout du fil. Bonjour. Merci de me recevoir. Mais ça fait plaisir. Et ben, peut-être en faire, remettons-nous en contexte un peu autour de cette série-là, peut-être d'un point de vue scénaristique cette fois-ci. Mais en fait, U Merlin, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un peu la jonction de deux univers. Donc la littérature médiévale avec au premier chef, entre autres, les récits de chevalerie et la littérature de science-fiction aussi. C'est en fond quelque chose que on lit la bande dessinée, ça va un peu de soi, mais j'ai l'impression que quand l'idée est venue au départ, il a fallu la travailler, l'amener à ce qu'elle aille de soi, justement. Exactement. En fait, justement, parlons de scénarisation et tout ça. Avec Sacha, nous, on travaille vraiment en synergie. Entre autres, les idées, on se lançait des idées tous les deux, puis c'est Sacha qui est venu avec cette fameuse idée-là de « Hey, qu'est-ce que t'en penses si on combinait vraiment deux trucs un peu opposés, mais qui se rejoignent quand même au niveau de l'aventure, comme tu le disais si bien en introduction. » Donc là, on parle légende arthurienne avec un mélange de Star Wars, Star Trek, faisons un beau mash-up de tout ça, puis regardons qu'est-ce que ça peut donner. Fait que là, en discutant, on a quelques petites précisions à gauche, à droite, puis là, en partant avec ça, je me suis dit, hey, qu'est-ce qu'on peut faire plein de belles choses. Nous, on visait quand même un large public, fait qu'on visait aussi justement jeunes ados inclus là-dedans, donc on a lancé notre histoire de héros, on fait le parcours de ce personnage-là, Liam, qui va grandir à travers ses aventures, et naturellement, on tente de rendre ça de plus en plus épique pour retourner justement un peu avec les termes de légende arthurienne. Oui, parce que dans le fond, d'une certaine façon, c'est un environnement de science-fiction, mais avec les codes d'honneur, les pratiques guerrières qui relèvent plutôt de la chevalerie. C'est un peu comme ça qu'on a fait la jonction des deux. Exactement, exactement. Puis aussi, on voulait se laisser une certaine marge de manœuvre. Donc, on copie pas non plus trop tout ce qu'on connaît déjà des légendes arthuriennes, parce qu'on voulait une certaine liberté pour que dans notre carré de sable, on puisse s'amuser puis explorer aussi d'autres aspects, mais tout en respectant justement ces codes-là. Là. Oui, puis à la limite, en fait, si on gratte un peu, quand tu parles de pas trop te limiter, bien, dans le tome 2, on va même chercher un peu du côté du mode, du côté de la littérature du 9e siècle. Ben, exactement. Là, c'est là qu'on s'amuse. On réutilise d'autres personnages mythiques qui viennent d'autres groupes, on va dire, de la société et tout ça, parce que justement il y a une belle charge, disons, mythique à chacun de ces personnages-là ou ces groupes-là, puis on s'amuse justement beaucoup à les mettre en œuvre là, dans un monde de science-fiction. Oui, mais en fait, c'est le genre de truc où, d'un côté, en fait, si on a déjà lu les éléments auxquels vous référez, toi et Sacha, dans cet album-là, on saisit les références, les travails, la richesse de ça. Sinon, dans le fond, pour d'autres lecteurs, ça va être un peu leur premier contact avec ce type de récit-là. Alors, j'ai l'impression qu'après ça, on peut avoir envie d'aller découler, d'aller voir un peu les références, d'aller voir votre inspiration, dans le fond, et donc de retourner vers le cycle arthurien, par exemple. Exactement. Mais merci, parce que on lance des trucs et on espère que justement ce que tu vas dire va fonctionner. Donc je suis content de voir que tu as vu justement cet aspect-là, qu'on voulait intégrer ça pour justement et s'amuser avec l'histoire qu'on connaît, exemple des trois mousquetaires de Dumas, et puis on modifie un petit peu des trucs quand même, mais justement pour l'introduire peut-être à des nouveaux lecteurs qui connaissent pas nécessairement ça, même si nous je t'inclus là, dans ça, plus jeune on avait des émissions, on les connaît, nous, les fameux trois mousquetaires là. Oui, puis en même temps j'imagine que côté construction de monde, de partir d'assises comme ça puis d'extrapoler sur la façon par laquelle, dans un contexte de science-fiction, dans un contexte spatial, ça pourrait s'exprimer, les chevaliers seraient quoi, etc. Ça fait une base un peu comme quand on parle de récits animaliers, d'isomorphisme, l'animal, le loup, etc. Il y a déjà un personnage de construit, autant quand on parle de chevalier, parce qu'il y a des références au chevalier de la table ronde, aux trois mousquetaires et autres, il y a déjà des bases de caractérisation sur laquelle vous pouvez vous asseoir, là. Exactement. Puis il y a justement le fameux pour tous pour un. Ben on le ramène parce que c'est ce qui définit dans le quasiment dans l'inconscient collectif ces personnages-là. Donc on s'amuse même avec ça de le ramener là. Et évidemment, je veux pas donner l'impression non plus que c'est une adaptation c'est une inspiration parce qu'à partir de ça, vous bâtissez votre récit qui est dans le fond un peu un récit initiatique qui a été bien amorcé dans le premier tome et dans le deuxième tome qui se poursuit. Dans le fond, le héros passe pas de zéro à héros. On sent en fait à tout le moins entre les deux tomes. J'ai pas lu le troisième, mais qu'il y a une progression qui se fait qui est peut-être plus réaliste aussi dans ce passage de zéro à héros qu'il va connaître au fil de la série. Oui, exactement. Puis justement avec ça, on s'amuse beaucoup. Puis là, tu parles du 3, on avance dans le 3 parce que dans le monde du livre, nous on a une série, donc on a quand même des échéanciers, puis notre objectif c'est d'en faire un par année. Fait qu'on et par l'éditeur et par nous-mêmes, on s'est fixé quand même des échéanciers. Fait qu'on est déjà, on travaille fort sur le 3. Là, Sacha, il y a beaucoup, le scénario est écrit, on est beaucoup dans les illustrations. Fait que là, c'est drôle parce que là, moi j'ai le goût de parler du 3, mais non, retiens-toi, Jean-François, retiens-toi, parce que justement, justement, on fait évoluer ce personnage-là, puis on va un petit peu dans d'autres directions aussi, là, que j'ai hâte que tu découvres, là, malheureusement, l'année prochaine, là, mais ou heureusement plutôt. Là. Et justement, cette histoire-là, en fait, le héros, donc, on l'a positionné dans le premier tome où il se découvre un peu comme chevalier. Dans le deuxième, on assoit un peu ces éléments-là. Donc, comment ça s'est placé? Parce que j'ai l'impression que, d'un côté, il y a l'aspect mythologique, dans le fond, le world building que vous faites autour de tout ça, et de l'autre côté, il y a le récit plus personnel, plus humain, plus intime. Donc, j'imagine que tu te fais des mappings pour bâtir un peu les résonances entre l'un et l'autre et comment ça va progresser. Oui, exactement. Puis dans ce long, on voulait justement explorer les débuts, parce que là, dans le fond, dans le premier tome, Liam était un écuyer d'un chevalier. Là, est devenu chevalier, disons, un petit peu par la force, par son courage, mais par la force des choses aussi. Donc là, il va explorer, c'est ses débuts comme jeune chevalier. Puis suite, justement, avec un conflit à l'interne même des autres pilotes de chevaliers, va devoir s'allier avec ce personnage-là et son oncle qui a la forte gueule, là, pour justement de contrer un complot de nos méchants, de nos fameux rocs géants de pierre aux intentions malsaines qui ont vraiment un bon plan pour prendre le contrôle de notre planète, de la planète Terre. Là. Donc, c'est de jouer un peu avec les deux dimensions. J'imagine que ça va quand même être un certain défi d'équilibrer les choses, parce que, je veux dire, il y a des éléments qui sont placés dans le troisième, quatrième et autres, des éléments qu'on place dans le premier. Donc, c'est comment réussir à bien doser pour que chaque tome soit quand même un récit complet, qu'on ait une satisfaction comme lecteur, en même temps, nous donner envie aussi de continuer le chemin avec les personnages et avec l'univers. Nous, c'était une de nos priorités quand on développait. On voulait que ça soit que chaque tome, on termine une histoire et naturellement, on glisse des trucs pour aller vers le volume suivant. Mais c'était important parce que moi, quand je lis, c'est quelque chose que je veux aussi, d'avoir ma petite satisfaction. Yes, OK, ça, c'est arrivé. Là, je sais où on se tient, on part ailleurs. Parce que le fameux cliffhanger à la fin, moi, j'aime ça quand on clôt là, justement un petit thème. Donc, on tente de suivre ça aussi à travers les volumes. Là. Oui, puis en fait, dans les relations humaines, mais ça progresse aussi. Par exemple, dans le premier tome, on plaçait des éléments d'un triangle amoureux. On l'affirme un peu plus dans le deuxième. Oui. Et on sent que ça va progresser aussi. Oui, exactement. Puis j'ai bien hâte de je peux pas rien dire, faut que je me retienne, mais j'ai hâte de pouvoir vous montrer où ça s'en va là, dans les volumes suivants là, ce petit volet là aussi là. Donc, et là-dessus, bien, dans le fond, si on revient un peu sur le personnage principal, donc sur l'écuyer qui devient chevalier, évidemment, c'est ce que je mentionnais d'entrée de jeu. Donc, la progression, faut qu'elle soit logique, faut y aller à un rythme raisonnable. Donc, comment on s'y prend ou comment on aborde le récit pour justement que ça soit bien dosé et qu'on le fasse pas devenir trop vite, dans le fond? Oui, ben ça, avec Sacha, on s'assoit, quand on lance notre projet, on détermine déjà ça d'avance. On sait déjà en gros qu'est-ce qui va se passer avec notre Liam à travers les volumes. C'est sûr que quand là, on passe à l'écriture, on passe à la création, là, il va arriver des petits changements, pas nécessairement prévus, parce qu'on laisse quand même une part à l'imaginaire de créer des problèmes et de les régler là. Donc des fois nos personnages vont évoluer d'une certaine façon qu'on s'attendait pas au départ. Puis là faut justement remanier la suite pour s'assurer que on ferait pas un trop gros écart puis là notre suite fonctionnera pas. Donc on a en effet un jeu à faire. Puis ça arrive à plusieurs étapes dans la création. Donc oui au début, mais aussi une fois que le scénario est écrit avec et Sacha et avec l'éditrice, là on va s'assurer que ça suit le plan pour le 2. Puis avec moi puis Sacha, on s'assuit, parce que l'éditrice, on va la faire découvrir les autres, mais avec Sacha, on s'assure que pour les autres volumes, ça suit aussi comme il faut. Là. Oui, puis en même temps, se laisser justement assez de terrain de jeu pour que l'inspiration du moment puisse quand même s'exprimer, pour qu'un personnage puisse être réorienté si ça s'avère plus gagnant pour l'histoire, quitte à retourner après ça un peu à la planche à dessin pour les tomes qui s'en viennent. Exactement. Ça arrive. Puis c'est même surprenant à quel point ça se règle, puis t'es comme, OK, puis là, tout d'un coup, tu penses à une solution qui règle un problème, puis dans ton histoire, tu dis, mais ça en règle d'autres. C'est vraiment spécial, le processus créatif, que je sais pas, là, où tu dors, tu travailles le matin, t'as l'idée, t'es comme, OK, ben ça règle tous mes problèmes, juste ça. Ah, ben go, on part avec ça. Fait que c'est particulier, là, c'était ce volet-là de la création, là, que ça se règle. Oui, puis en fait, j'imagine d'autant avec une série ou avec un travail sur le long terme, parce que comme scénariste, dans le fond, tu vas vivre avec cette histoire-là, au moins pour encore quelques temps, et peut-être un peu plus si ça va bien. Donc, c'est nécessairement quelque chose que tu as toujours un peu en tête, que les solutions, les problèmes, tu les connais, puis à un moment donné, tu travailles le matin, OK, la solution est là parce que tu l'as toujours en tête, finalement. Exactement. Mais aussi, où c'est important, c'est avec l'édition. Tu sais, moi, j'ai besoin de savoir le nombre de livres que l'éditeur est prêt à faire la série pour justement, si moi, je suis rendu, j'en ai 12, puis lui, dans sa tête, il y en a 6, mais là, ça marche pas, tu sais. Fait que là, on a discuté, puis c'est déjà réglé, ça. Là, on travaille fort, on va en avoir 6. Nous, on va finir notre arc narratif pour 6. On s'est entendu avec l'éditeur, là. Oui, puis ça, c'est des beaux luxes qu'on peut se payer comme auteur, puis avec des éditeurs qui acceptent justement de prendre le pari sur une série, puis d'investir assez pour pouvoir développer une histoire complète, puis avoir une garantie qu'on va pouvoir se rendre là. Donc, c'est... Des fois, je me pince. J'en reviens pas, là. C'est incroyable l'opportunité qu'on a. Fait que, justement, là, notre travail, c'est de produire quelque chose. On veut produire quelque chose de qualité. Et pour leur confiance, mais aussi pour les lecteurs. Tu sais, tu veux pas les abandonner aux 4-5. Fait que là, non, on travaille fort, puis on est content on profite vraiment d'avoir un éditeur qui veut nous accompagner là-dedans, là, jusqu'à 6. Et Jean-François Laliberté, en fait, est-ce que la relation, justement, aussi avec le livre change entre le premier puis le deuxième, d'une certaine façon, parce que le premier, c'est le moment où tu proposes ta série, tu dis, voici mon univers, et là, les gens le lisent, tu commences à avoir des rétroactions dans les salons, des récompenses et autres. Est-ce que en route vers le deuxième, tu sens que, tu sais, déjà, il y a des attentes qui commencent à se créer, qu'il y a une suspense aussi, donc, est-ce que ça change un peu la dynamique d'écriture ou la dynamique de création? Puis premièrement, la pression, c'est nous, moi et Sacha, on se la met nous-mêmes, là aussi, là, le fait que de voir à quel point ça va, là, on pense un petit peu plus, OK, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, mais il y a aussi qu'au début, nous, on l'approchait, justement, là, comme tu l'as mentionné, on a remporté le prix du premier album comme du nouveau premier album, puis, donc avant, nous, on a lancé ce projet-là, puis même quand on avait approché les éditions Michel Quintin et d'autres éditeurs, comment la manière qu'on les a approchés était, mais regarde, nous, on a une série, si ça vous intéresse, sinon, on peut le faire à un volume, ça va nous faire plaisir, on peut se rendre à 3, si vous voulez, on peut même se rendre à 6. Nous, c'est comme ça qu'on avait approché à la base les différents éditeurs avec qui on a soumis notre projet Humerlin. Puis là, ça a cliqué avec Michel Quintin. Donc, tu vois déjà là, le fait que là, au début, nous, on avait signé un contrat pour 3 volumes. Donc là, moi, quand j'arrivais à écrire le 3, j'ai parlé avec les éditeurs. Est-ce que je planifie plus que 3 ou je termine l'histoire là? Fait que là, ils nous ont dit, non, on continue. Fait que donc, à partir de là, en effet, ça a évolué pour dire, là, on construit, on a une histoire 6, go, on y va. Et à travers tout ça, bien évidemment, il y a toute la création de monde. Si on retourne un peu, on parlait du métissage, donc on va chercher le médiéval, on va chercher la science-fiction. Évidemment, on s'inspire d'univers, de base, etc. On ajoute notre histoire humaine dans le contexte de notre monde à nous, donc avec les créatures de roche, par exemple, dont tu parlais, qui viennent d'on ne sait où, qui veulent on ne sait quoi pour l'instant. Avec la Terre, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la mission, l'objectif? Donc, il y a vraiment quand même un gros travail de construction de monde. Oui. Et ça, j'imagine, en fait, comment on s'y prend un peu? Parce que, je veux dire, si tu me dirais, un univers comme celui que vous développez là-dedans, je ne saurais pas exactement par où commencer non plus. Écrire et quoi savoir, dans le fond. Non, exactement. Nous, on s'est vraiment assis. On a développé technologie, on a développé le monde. Il y a des petits trucs qui sont arrivés, qui sont arrivés comme ça, qu'il a fallu qu'on deal avec. Entre autres, Sacha, je pense que la première fois qu'il avait dessiné la planète Terra, il avait oublié de dessiner le Mexique. Fait que là, on s'en est rendu compte un peu par après. Oups! Fait que là, dans notre tête, OK, il est arrivé quelque chose avec le Mexique. Fait que là, on s'est assis. Qu'est-ce qui est arrivé avec le Mexique? OK. Fait que là, on a créé tranquillement de plus en plus cet univers-là. Puis justement, quand on se met, des fois, on pourrait rajouter tel aspect ou, disons, tel élément liam, exemple, un petit pouvoir ou quelque chose. Ben là, on se dit, il l'a tout le temps. Faut penser à ça que, mettons, si tu donnes à quelqu'un, le pouvoir de télépathie à quelqu'un, ben là, ça change complètement la game. C'est que là, il l'a tout le temps. Fait que nous, on faut gérer ça, là. Oui, puis en même temps, d'un autre côté, c'est devenu un nécessaire pour nous permettre aussi de comprendre, comme lecteur, vos autres personnages, vos rushs, justement, qui fonctionnent juste là-dessus. Donc, c'est né un peu, c'est un pouvoir qui naît un peu d'une nécessité de compréhension de ce qui se passe chez l'adversaire. Exactement. Exactement. Puis nous, on les connaît, on connaît la motivation, on sait pourquoi ils sont là, on sait pourquoi ils attaquent Terra. Puis naturellement, ça, on va dévoiler un petit peu ici, on va le dévoiler un petit peu là, pour justement garder le suspense jusqu'au moment où on veut le révéler. Là. Et ça se révèle progressivement. Dans le deuxième tome, déjà, on nous amène, en fait, il y avait dans des séquences intérieures, en fait, qui sont de plus en plus présentes, si on peut dire, et qui aussi, je trouve, des graphiquement, en fait, où on passe de segments très de couleurs standards. Oups, là, on arrive dans un univers un peu éthérine, blanc et gris. Donc, ça permet d'aller aussi complètement ailleurs, dans un contexte où on est déjà ailleurs. Exactement. Donc là, nous, on rajoute un niveau. Puis même, Sacha, des fois, dans le dessin, il cache des trucs. Puis c'est super drôle parce que on a des entre autres dans nos jeunes fans, on en a qui lisent, ils l'ont lu souvent, Merlin, peut-être même plus que moi et Sacha, là. Puis c'est drôle, des fois, les petits trucs qu'il a cachés, ils l'ont spoté. Je vois pourquoi dans telle case, de telle page, on voit telle chose dans le miroir, là. Oups! OK, toi, tu l'as lu souvent, hein? fait que ça, c'est particulier aussi que dans les fameux niveaux qu'on met, autant avec la couleur, avec tout ça, mais il y a des gens qui vont capter les petits indices qu'on laisse cachés, là. Oui, puis ça doit être aussi, quand on parlait justement de l'évolution entre le premier et les autres tomes, mais c'est de savoir qu'il y a des gens qui vont avoir cette attention de lecture-là, que c'est pas juste quelque chose que les gens vont feuilleter, lire une fois, deux fois, mais qu'il y en a qui vont se créer une vraie relation avec vos personnages, avec votre série, avec votre univers. Oui, exactement. Et ça, c'est particulier. Autant moi, surtout au volume 1, quand moi, c'est tout est dans ma tête. En fait, quand je le donne à Sacha, le fait de recevoir les planches avec les personnages dessinés, moi, illustré, moi, ça a changé ma perception. C'est comme, OK, mon univers, il est vrai, là. Liam, il prend sa douche le matin, il va manger à cafétéria. J'ai comme vraiment eu un choc. Vraiment, OK, j'ai eu le feeling qu'ils sont vivants, c'est plus juste de moi. Puis quand là, je vois chez des fans, justement, là, des lecteurs qui m'approchent, qui nous posent des questions et tout ça, c'est comme, OK, cet effet-là, c'est pas juste. Il y en a qui le vivent, que c'est. Pas que c'est leur ami, là, mais tu sais, OK, ils ont une relation à tel point avec mes personnages, c'est vraiment spécial. Là. C'est quelque chose qu'il faut. C'est encore en réflexion dans ma tête, là, comment gérer tout ça. Là. Oui, puis dans les rencontres, dans les échanges, où finalement, tu sais, la discussion est à un autre niveau, on rentre en profondeur, avoir un dialogue sur ta création, sur des interprétations. Puis dans un contexte où, ben, j'imagine aussi, on est en présence de lecteurs un peu plus jeunes, donc je peux pas vraiment imaginer comment on se sent dans une dynamique comme ça, mais ça doit être assez trippant, là. Oui, complètement, là. C'est comme je te dis, on se pince des fois, là, à quel point c'est une chance, c'est une opportunité. Puis justement, sauf que là, on commence à avoir des souliers à chausser. Parce que là, faut continuer, nous, d'avoir des bonnes idées. Faut continuer. On est bien parti là, mais c'est quand même tout le temps, comme tu disais un peu tantôt, c'est quelque chose là, qui nous reste, qu'il faut s'assurer de bien, de rendre le meilleur produit possible. Puis, en fait, j'imagine que le rythme, justement, où on agrandit tranquillement l'univers, ça permet ça. Dans le premier tome, on était cantonné sur la base spatiale. Oui. Dans le deuxième, on est encore sur la station, mais on ajoute la Terre. On commence à aller faire un tour de ce côté-là, on voit qu'est-ce qui se passe là. Oui. Et après ça, on se rajoute d'autres éléments, donc on grandit tranquillement notre sphère d'intervention. Exactement. Puis comme dans le premier, on était beaucoup, on voulait focusser beaucoup sur Humerlin. Humerlin, Liam. Donc c'est pas mal les seuls, c'est le seul chevalier qu'on va voir. Là dans le deux, on s'est dit, ok, là on veut pouvoir les montrer en action parce que c'est quand même les chevaliers de table ronde, tu veux les voir un peu là. Donc on a rajouté notre Tristan et notre Lancelot avec les autres un petit peu saupoudrés parce qu'on a quand même beaucoup de personnages. Donc faut gérer ça aussi. Faut gérer leur présence, faut gérer. On aimerait ça quand même qu'ils soient là, peut-être où le pilote ou le chevalier doit être dans la bande dessinée. Donc là, il y a ça à gérer. Mais là, dans le 3, on va explorer encore d'autres choses. Puis là, on est déjà dans le 4, je suis en train de le planifier avec Sacha. On va encore ailleurs. Donc on s'amuse à découvrir d'autres personnages, dans ceux qu'on connaît aussi, puis qu'on n'a pas eu encore nécessairement la chance de rencontrer ou de découvrir. Là. Et dans la mesure où les règles sont claires, dans la mesure où le monde est bien groundé, si tu me permets l'anglicisme, mais oui. ça permet au lecteur, après ça, d'accepter un peu tout ce que vous proposez. Les trucs dans le monde intérieur, on les questionne pas, on les prend parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde du Merlin. Donc, après ça, ça vous donne une belle liberté aussi pour nous amener un peu n'importe où, du moment où le côté magique du récit est bien assis. Oui, exactement. Et au niveau de l'équilibre aussi, parce que, bon, d'un côté, il y a des dialogues, des moments d'exposition, on a des moments d'exploration, on a des moments de combat. Donc, ça devient aussi, j'imagine, un beau jeu d'équilibriste au scénario, à tout le moins, de bien doser les éléments. Puis, j'imagine, après ça, ça tombe aussi dans le niveau de détail que tu vas fournir à Sacha au niveau du dessin, pour différemment, j'imagine, aussi d'une scène de combat, d'une scène de chasse versus une scène de dialogue ou d'échange. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, en effet, moi, tu sais, dans le fond, on travaille sur plusieurs versions de mon scénario, il y a plusieurs versions. Puis la première que j'avais terminée, quand je l'ai présentée à Sacha, dans le fond, moi, mon lecteur premier, c'est Sacha parce que lui, il va lire mes descriptions de chaque case et mon dialogue. Donc, c'est mon lecteur premier avec l'éditrice, là. Mais Sacha, justement, quand il a lu mon scénario, il a dit: oh là là, GF, t'en as mis ben trop. Il faut changer des trucs. Là, OK. Fait que là, même, j'en ai coupé la moitié pour me concentrer plus sur un volet. La moitié que j'ai coupée, on va la réutiliser, mais dans le cadre du volume 2, fait que là, je me suis dit qu'on va prendre plus de temps, on va se concentrer plus sur ça. Mais tu vois, c'est l'échange avec Sacha qui a permis cette évolution-là à l'histoire. Puis de le lancer dans la direction qu'on l'a lancé. Oui, puis c'est assez fondamental parce qu'au bout du compte, c'est une question de rythme, c'est de se donner de l'espace pour développer des séquences puis prendre un peu plus son temps que d'essayer d'aller peut-être des fois un peu trop vite à des fois de meilleurs termes. Exactement. Puis nous, justement, on est des fans d'action, donc on aime ça en mettre. Donc il faut aussi bien doser, mais il faut aussi qu'il y en ait, faut que ce soit pas trop. On aime ça qu'il y en ait un peu à des moments clés. Donc, il faut s'amuser aussi, comme à un certain moment donné. Ouais, on va rajouter une scène, là, on s'est assis, on va rajouter une scène un peu plus au début, parce que là, sinon, le rythme est plus lent. Donc, on veut accélérer le rythme au début pour rendre ça plus agréable. Là. Fait que là, on aurait mis une petite scène d'action au début pour, là, justement, avoir un beau flow intéressant au lecteur. Et à travers tout ça, il y a aussi l'aspect paysage, les lieux découverts. Dans le premier tome, comme je disais, on était centré dans la station, mais en même temps, la station elle-même offrait une variété d'environnement. Oui. Avec l'ajout de la Terre, avec l'exploration spatiale de manière un peu plus large, mais là, encore là, on va autant dans des villes que sur des montagnes. Il y a des jeux politiques qui commencent à rentrer en ligne de compte aussi. Donc, j'imagine qu'en s'ajoutant ces pans-là, il faut aussi s'ajouter d'autres pans de recherche visuelle, de réflexion, avec tous ces nouveaux personnages qui arrivent aussi, là. Oui, exactement. Ça, c'est beaucoup. Sacha fait un travail colossal à ce niveau-là. Il y a vraiment des bonnes idées. Il est super imaginatif. C'est incroyable. Fait que c'est très positif, là. Quand il va me lancer ses concepts, ah, regarde, qu'est-ce que tu penses de les mousquetaires comme ça, puis je suis comme, ah oui, c'est cool. Ils sont différents des chevaliers, mais en même temps, c'est comme des armures. Ah non, tu sais, il a bien réfléchi à ses trucs. Il a fait justement beaucoup de recherches sur les endroits géographiques afin de bien représenter qu'est-ce que j'y suggérais de dessiner, là. Oui, puis en se donnant la liberté, des fois, de se laisser inspirer des suggestions qu'il fait pour adapter, faire évoluer le scénario aussi. Ah, toujours. Ça, c'est sûr. Justement, oui, ça, c'est exactement ça, parce que nous, notre processus, c'est on brainstorm les l'histoire ensemble. J'écris le scénario. Il lit le scénario. Je le retravaille déjà à ce moment-là. Ben, ça, lui, il va faire des croquis de chaque page. Donc, chaque planche est déjà, mais rapidement, là. Donc, souvent, c'est, mettons, il y a sur une feuille 8,5 par 11, il va en faire 4. Puis, on va voir déjà, en gros, comment est-ce qu'il voit diviser les cases rapidement, l'action. Puis, à ce moment-là, les deux, on travaille dessus, puis on dit, OK, non, on va changer, justement, ce coin-là, ça bouge un peu moins, on va rajouter une scène d'action, on s'assoit, je modifie le scénario, puis après ça, il va passer à rendre son dessin ancré, tout ça, là, pour le rendre final. Et on découvre le résultat de tout ça. Si on l'a pas déjà lu, bien évidemment, le premier tome qui est disponible, le deuxième tome de la série Merlin qui est arrivé cet automne, oui. Et le troisième tome qui arrive l'automne prochain et les années subséquentes. Alors, on aura sûrement l'occasion de se rejaser de cette série. Jean-François Laliberté, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Je nous souhaite qu'on puisse en reparler parce que j'adore discuter avec toi. Fait plaisir. Salut bien. Merci beaucoup. Alors, je rappelle, en fait, qu'on jasait avec Jean-François Laliberté, donc qui est scénariste de cette série U Merlin. C'est dessiné par Sacha Lefebvre. C'est du côté des éditions Michel Quintin, donc le tome 2, U Merlin pour le roi. C'était l'objet de notre discussion. On se retrouve dans quelques instants. Thank you. Et toujours avec Robot Science qui nous accompagne en 8 bits cette semaine. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro jusqu'à 18h30. Je vous rappelle également que vous pouvez nous trouver sur Facebook en cherchant tout simplement La Vie en BD dans votre engin de recherche. Vous allez nous trouver. Également, vous pouvez trouver les émissions en balado-diffusion sur laviembd.wordpress.com. Alors, deuxième album dont on avait envie de parler un peu plus en détail et d'explorer, ben, c'est La Pitoune et la Poutine. Donc, nouveau produit offert par Alexandre Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux du côté des éditions Pow Pow. Et sincèrement, je vous mets au défi de pas rigoler en lisant ça. Et j'avais envie, ben, d'en jaser, évidemment, avec les auteurs, donc Xavier Cadieux et Alexandre Fontaine-Rousseau, qui sont avec nous au bout du fil. Bonjour à vous deux. Allô? Salut. Alors, ben, commençons par le début, en fait, les origines de la bande dessinée, le sujet. Peut-être d'emblée, en fait, est-ce que on est dans une situation où un Alexandre Fontaine-Rousseau avait envie de faire une bande dessinée, un projet avec Xavier Cadieux? Est-ce qu'on est dans une volonté de rencontre de style d'univers? Ben, c'est sûr que moi, ça faisait depuis un certain temps que je voulais faire un livre avec Xavier, là, comme tu dis, puis le projet de Joe Monferrand, il traînait un peu dans ma tête, je sais pas trop pourquoi, depuis un bout de temps. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, c'est le genre de truc vraiment absurde qui fit vraiment bien avec ce que Xavier fait, là. Après ça, d'où ça sort, ça? Je viens d'Outaouais, hein, fait que Joe Monferrand, ça a bercé mon enfance, ces espèces d'histoires-là. Puis j'ai commencé à raconter l'histoire de Joe Monferrand à Xavier Cadieux, puis la face qu'il me faisait pendant que j'essayais d'y raconter même les choses qui sont supposément vraies à propos de Joe Monferrand, je me suis dit, OK, je pense que si après ça, je rajoute un gros tas de n'importe quoi, ça devrait l'amuser jusqu'à la page 180, là. Oui, parce que dans l'absolu, quand on regarde un peu le mythe de Joe Monferrand, c'est il y a des histoires qui sont assez particulières et assez grivoises aussi. Ben oui, mais en fait, c'est ça. Tu sais, là, ça fait une couple de semaines qu'on traîne le livre à gauche puis à droite, puis ce qui est vraiment drôle, en fait, c'est au début, tu sais, les gens, ils nous demandaient, tu sais, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans, puis on était comme, ah, ben, il y a deux, trois informations véridiques sur Joe Monferrand, mais tu sais, même ces affaires-là, là, l'histoire de lui qui étampe son pied au plafond d'une taverne puis qui swing un Irlandais par le pied pour envoyer 150 Irlandais dans la rivière des Outaouais, tu sais, déjà ça relève de la mythologie puis du folklore complètement farfelu. Fait que, tu sais, d'en rajouter une beurrée de plus, c'était finalement moins pire éthiquement qu'on le pensait au début. Donc, au début, on se sentait mal, je pense. On se sentait mal? On se sentait un peu mal, ouais. J'avais lu qu'il était religieux, je me suis assuré que ce soit dans le livre. Je suis pas mal sûr que j'ai lu en quelque part le vrai nom du gars, puis... La job de recherche n'est pas super solide. En même temps, je dirais qu'il y a quelque chose dans... Parce que, tu l'as dit, je pense que le terme mythologie est bien là-dessus. C'est rendu dans la mythologie québécoise, dans notre folklore. Et quand on gratte un peu ces éléments-là, que ce soit de la mythologie grecque, romaine, hindoue, n'importe quelle, il y a toujours une grosse dose d'absurde née de l'exagération. Donc, d'en rajouter une couche, on dirait que les bases sont déjà là. De toute façon, c'est une invitation à en mettre plus. Ouais, puis à un certain point, tu sais, ce que je trouve plate, c'est que souvent quand on aborde le folklore au Québec, on est super poli puis révérent, puis c'est comme si ça relevait quasiment de l'exactitude historique dans le traitement, mais c'est pas ça que c'est censé être, le folklore, c'est censé être vivant. Puis tu sais, moi j'écrivais le scénario, puis c'était un peu comme si je racontais toujours de plus en plus n'importe quoi à Xavier en me disant, à un moment donné, il va me dire que ça n'a pas d'allure, mais Xavier étant Xavier, il m'a jamais dit que ça avait pas d'allure. C'est pas grand chose que ça arrive jamais, ça. Il n'y a vraiment pas une limite là, où ça peut aller. Je pense qu'on a des traitements où que ça finit dans l'espace. Puis... Mais c'est ça, l'élastique, je l'étirais, je me disais, c'est sûr qu'il va péter à un moment donné, cet élastique-là. Puis ce caoutchouc était d'une solidité irréprochable. Oui, puis en même temps, même pour moi comme lecteur, je veux dire, l'élastique, on sent que tu le tires, mais on dirait que à un moment donné, on empile, puis ça va quand même progressif. Je veux dire, on commence pas avec les éléments les plus absurdes. Ben, en fait, oui, en même temps, il y a un castor narrateur, donc dès le départ, oui, oui. On place les choses. Ça, c'est Xavier. Le castor narrateur, c'est définitivement Xavier. Tu sais, moi, j'avais écrit un scénario, c'était normal, c'était un livre parfaitement raisonnable, puis ça s'en allait vers une direction historique irréprochable. Puis Xavier il a fait du narrateur, le castor, les 15 premières pages, c'est comme, okay, c'est ce genre de livre-là, ça se passe. Ouais, je suis sûr que tu avais 40 pages de recherche. Ah oui, mais c'est ça que je suis raté mes recherches, Xavier. C'est terrible. Et on dirait que de la façon dont vous réussissez à piler dans ce livre-là, On accepte facilement le pilage, puis je veux dire, à un moment donné, rapidement, dans le fond, on se met dans le mood. Justement, tu parles des 15 premières pages, mais après ça, je veux dire, vous m'amenez n'importe où, je vais vous suivre dans ce bouquin-là, dans la mesure où, justement, l'empilade nous amène vers toujours des absurdes déjantés, puis où on évite la redite, parce que d'un épisode à l'autre, ça aurait pu finir par se ressembler, mais on réussit justement à aller dans plein de directions, puis à ce que chaque moment du road movie ou du float movie, pour reprendre une expression relayée par d'autres, on réussit à se renouveler, dans le fond, à amener toujours des surprises, des différences, des éléments, puis à garder le lecteur alerte, au bout du compte. Ouais, mais il y avait comme un ping-pong, je pense, qui se passait, tu sais, dans la mesure où moi, j'avais des idées. Xavier, il me revenait avec des idées sur le plan du dessin qui m'amenait ailleurs. Fait que, tu sais, j'étais pas tout seul. Moi, j'étais pas tout seul dans ma tête à écrire mon livre. Xavier non plus. Puis, tu sais, ça fait que, vu qu'on se parlait beaucoup, là, on se communiquait des choses au fur et à mesure que le livre se faisait, je pense qu'il y avait une volonté de. Moi, je racontais une histoire à Xavier, puis Xavier, il me racontait une histoire, tu sais, puis on se surprenait mutuellement. Fait que, tu sais, ce dialogue-là, je pense que. Inévitablement, il se retrouve dans cette dynamique de dialogue-là se retrouve aussi dans l'échange avec le lecteur, tu sais. Oui, puis j'imagine ça change aussi un peu le rythme de création, parce que dans le fond, si tu dis, ben, comme par exemple, après 15 pages, Xavier Cadieux arrive avec son castor narrateur, ben, Alexandre Fontaine-Rouleau, le scénariste, il faut qu'il retourne pour l'intégrer, là, le castor, ou pour prendre en considération que le narrateur est désormais un castor. Ouais, puis il se trouve qu'Alexandre Fontaine-Rousseau, c'est le genre de gars qui avait déjà une idée bizarre qui traînait dans le fond de sa tête sur une société secrète de castors qui conserve comme tout le savoir de l'humanité. Fait que dans le fond, quand Xavier est arrivé avec son histoire de castor narrateur, j'ai pas été comme pris au dépourvu. Est-ce qu'à un moment donné, Xavier Cadieu a décidé d'essayer de prendre Alexandre Fontaine-Rousseau au dépourvu? Ouais, t'as-tu fait ça? Je pense que oui. J'ai mis pas mal de gags dans le décor, dans le background. Il y a bien des affaires que je me suis dit, ça, c'est drôle, ça, c'est comique. Puis, c'est juste comme, une fois le livre assemblé, là, que je reçois un petit email là, pour dire, hey, attends, là, j'ai vu cette joke-là. Elle est bien bonne. C'est ça, mais tu sais, mon scénario, je voulais que Xavier, comme je voulais pas que Xavier, ce soit comme, hey, tiens, prends ça, puis illustre ma vision, tu sais. Je voulais vraiment que ce soit son livre aussi, là, puis je pense que, c'est ça, le scénario, quand tu le regardes, là, il est assez lousse, là, tu sais, la manière dont il est écrit, il y a la narration, il y a assez rarement des descriptions qui sont pas un peu intégrées à la narration, fait que je pense que, tu sais, tu pouvais quand même faire un peu ce que tu voulais à partir de ça. Tu m'as même ménagé, là, des espaces pour péter ma coche, là, tu sais, c'est quoi les différentes sortes de bûches, deux points, puis amuse-toi, tu sais. Ouais, c'est vrai, ou genre... Tu m'as laissé des places comme ça, fais 10 pages de combat épique. Amuse-moi, arrange-toi avec ça. Je te laisse la mise en scène. Là, ils vont faire une course, faut que ce soit épique, là. Oh. Ou la pitoune de voyage. Ouais, c'est ça, la pitoune de voyage, c'est 100%. Ben, j'avais dit, c'est une grosse maudite pitoune avec 20, mais je m'attendais pas au plan en couple, là, tu sais. Mais c'est ça, chaque affaire, j'étais content comme lecteur, comme premier lecteur de mon propre livre, j'étais satisfait, t'sais. Mais évidemment, c'est un livre drôle, mais c'est aussi un livre... on pourrait faire une parenthèse sérieuse dans l'entrevue sur des thématiques importantes que vous abordez, évidemment, dans La Pitoune et la Poutine, parce qu'entre autres, en fait, d'une certaine façon, Joe Monferrand, il est un peu dépassé par son époque et à travers le récit, mais c'est un peu un passage initiatique pour lui qui en vient à appréhender, dans le fond, les réalités des jeunes de son époque, des jeunes d'aujourd'hui, à devenir, en fait, à passer du classicisme à un certain modernisme, on pourrait dire. Ouais, totalement, puis c'est comme c'était pas nécessairement mon intention personnellement d'aborder ces thématiques-là. Je me suis comme un peu enfargé dedans en écrivant le livre, dans la mesure où, tu sais, la seule affaire que je savais, c'était ça va être un Joe Monferrand, ça va être un héros crépusculaire, tu sais, il y a eu des meilleurs jours, puis là, il est rendu vieux, puis là, ben, le monde a changé, puis de cette tension-là entre un monde qui a changé puis un genre de vieux baroudeur, il y a comme plein de choses qui sont nées, puis tu sais aussi Joe Monferrand, veut pas, c'est comme la masculinité qui se définit par une genre de virilité classique, tu sais, la boisson, l'espèce de courage un peu casse-cou, puis ces affaires-là, puis c'est sûr que c'est des thématiques qui me parlent beaucoup, puis je veux dire, c'est sûr que j'allais finir par mais tu sais, je me suis pas dit je vais écrire un livre sur ça, tu sais, c'est vraiment venu naturellement puis c'est ça. En fait, le naturel semble être venu un peu du moment où tu décides de faire un clash entre, en fait, où vous décidez, j'aurais plutôt envie de dire, de faire un clash entre Joe Monferrand puis des bûcherons Hipster. Donc, ouais. deux générations, deux visions du rapport au vestimentaire, à la barbe et au reste. Ben, déjà, ça donne assez rapidement le ton. Du moment où on arrive avec un clash comme celui-là, ben, on peut pas l'amener de 50 façons d'un point de vue thématique. Puis, évidemment, faut que ça finisse aussi dans une scène de combat et une course virile. Oui, absolument. Puis, ben, encore une fois, t'sais, ça, c'est un cas où Rigaud, j'avais décrit, tu sais, dans le scénario, c'était pas, tu sais, je pense pas qu'il y avait des cafés de troisième vague à Rigaud nécessairement, là. C'est Xavier qui a commencé à vraiment. Je me suis dit, oh, mais c'est un coin dégueulasse. Ben, comme tous les coins dégueulasses, c'est sur le bord de la gentrification, là. Fait que j'ai mis des cafés, j'ai mis des petites affaires qui montent tranquillement. Puis les hipsters de Buck McLog, ça me disait ça aussi, là. Ouais. Ben c'est ça, en fait, dans le scénario, c'était une gang de hipsters, il y avait des jokes de « ils ont la barbe trop propre », mais genre, Xavier, il y avait comme une vision super cohérente de « ben, ils vivent dans une ville, justement, là, qui est sur, il commence à y avoir des condos à la place », t'sais. Mais c'est ça, c'est l'univers était, il y avait plein de pistes qui étaient aussi là dans le scénario que j'avais écrit, mais que j'en étais pas nécessairement aussi conscient que quand Xavier s'en est emparé, puis ça vraiment... Je dis pas ça pour être têtu, mais ça a vraiment été le fun là, de faire ce livre-là avec toi, Xavier. Là. Et là, il y a des tapes dans le dos qui se font probablement aussi en direct. Oui, absolument. Et on passe d'un motif à l'autre aussi parce qu'un peu plus tard, on rencontre les Bush Babes. Et là, moi, j'avais l'impression d'être dans les années 70, un peu côté esthétique cinéma, un petit côté Charlie's Angels là, qu'on va chercher là-dedans. Oui, ben, The Warriors, Switchblade Sisters, des Girl Gang. Oui, Sexploitation un peu. Là. Oui, cinéma d'exploitation des années 70, mais dans. Mais c'est ça, c'est une fois qu'on a commencé à utiliser le terme bûche-niver pour décrire tout ce qu'on faisait, c'est comme devenu, tu sais, c'était genre, qu'est-ce qu'on peut transposer dans le bûche-niver, tu sais. Puis il y a beaucoup d'élaboration de campagnes de Donjons et Dragons. Ouais, rendu là, on est comme, on pourrait aussi faire un manuel sur comment camper vos campagnes de donjons et de bûches et, ce serait pas, ce serait quoi, ce serait genre Donjons et Dragons, ce serait genre bûches et caribous, je sais pas, là, mais en tout cas, il y a un jeu de rôle à faire avec cet univers-là rendu là parce que je sais pas, il se développait vraiment au fur et à mesure, mais ouais, c'est sûr que là après ça, c'est qui dit monde qui est incapable d'évoluer dit problème à laisser une place aux femmes dans la société, tu sais, puis je veux dire, je trouvais ça vraiment drôle de un peu, tu sais, je veux dire la joke de ça se dit pas raft women, il y a juste le mot raft, tu sais, draveuse, de quoi tu parles, ça me renvoyait comme directement à toute la conversation autour du mot autrice, tu sais, puis j'étais comme voir que vous n'êtes pas capable d'accepter le fait que les femmes veuillent que ce mot-là existe, t'sais, c'est quoi, t'sais, même aujourd'hui, on est super boqués par rapport à des affaires de même. Fait qu'imagine en 1850 dans un monde de bûches puis de chemises à carreaux puis de gros rhum de la Jamaïque, là, ça devait pas être trop classique, là. Oui, ben en fait ça devait être littéralement un peu comme ça aussi dans l'absolu. Et dans le fond, dans la construction du bûche-niver, justement, comment on aborde un peu, est-ce que on le construit un peu d'épisode en épisode, ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous assisez ensemble, puis on commence à brainstormer sur le visuel, sur les cadres, sur les éléments? Comment ça se passe un peu le côté world building, à défaut d'un terme français, là? Ben, je regarde les scénarios, qui me laissent pas mal de place. Après ça, tu sais, je fais mes croquis, mes affaires, puis quand je commence à penser à mettre plus de jokes, plus d'affaires, là, je suis rendu loin dans ma tête. Puis là, je remplis des petits carnets de croquis, puis n'importe quoi pendant que je serais supposé travailler. Puis là, j'envoie des photos à Alex qui me dit, OK... À toutes les heures de la journée. Il y a bien des affaires qui marchent, il y a bien des affaires qui marchent pas, mais tout rentre un peu dans le... Ouais, dans le guide des mondes, ouais, le guide des places. Des fois, je dis ça, je pense que ça se passe pas. Ça, c'est peut-être, t'es peut-être un peu allé trop loin, mais en même temps, c'est correct que tu sois allé jusque-là parce que ça m'a donné une petite. Je pense que si on le ramène à ça, c'est correct. C'est ça. Puis, tu sais, ce qui est clair, c'est que le livre, moi, je l'ai écrit vraiment comme d'une traite. Tu sais, c'était vraiment comme si je le. Tu sais, c'était comme si c'était. Ça s'est passé sur plus qu'une soirée, mais la manière que je l'écrivais, c'était comme si c'était une longue soirée, puis tu sais. Je raconte des histoires, puis je raconte des histoires, puis tu sais, vu que c'est le scénario est très géographique d'une certaine manière, si on se déplace d'un endroit à l'autre, ben le monde allait se développer naturellement, tu sais, parce qu'on voyage, tu sais. Mm-hmm. C'est ça. Il y a comme une dynamique vraiment géographique dans ce récit-là, en gros. Oui, mais enfin, on regarde un peu où on va passer, parce que l'objectif, c'est de se rendre, en fait, pour le contexte, je pense que j'en ai même pas parlé, mais dans le fond, Joe Monferrand veut trouver un remède à la gueule de bois, donc décide de s'orienter vers la poutine. Il en entend parler, il sait que c'est à quelque part entre Warwick, Princeville, puis Drummondville, qu'il va trouver ça. Donc, j'imagine que là, on part géographiquement, puis on se dit, OK, on part de l'Outaouais, par où on descend, par le fleuve, par les rivières, pour réussir à arriver dans ce coin-là. Exactement, puis à un moment donné, tu sais, je me promenais sur la carte, puis là, genre, il y avait l'embranchement, puis j'étais comme, c'est bien plus intéressant s'il passe par la rivière des Mille-Îles, fait que ça va passer par là, puis là, l'espèce d'idée que toutes les Mille-Îles ont comme une personnalité différente est née de ça, puis tu sais, j'avais des petites descriptions, mais là aussi, là, c'est Xavier qui a commencé à faire, je pense que Xavier, tu t'es quand même fait du fun, là, dans la rivière des Mille-Îles. Tu fais du fun. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a toutes sortes d'affaires. Il pourrait avoir un épisode sur chacune de ces îles-là. Ouais. Mais c'est ça, Xavier, tu sais, c'est drôle, parce que tu lui donnes une petite affaire, puis après ça, il te dit, on pourrait faire 1000 livres qui se passent dans toutes les interstices de ton scénario. Puis là, je suis comme, ouais, je sais pas si on a le temps de faire 1000 livres, mais à défaut de ça, on peut peut-être essayer de crisser les 1000 idées dans le même livre, tu sais. Je pense que c'est ça qui donne l'espèce de dynamique particulière de ce projet-là, là, cette espèce de, genre, combien de choses on va être capable de rentrer là-dedans. Il est pacté bien comme faut, là, ce livre-là, là, quand même, là, tu sais. Oui, bien, en fait, ça va vite parce qu'effectivement, il y a des éléments un peu partout, puis on se surprend. Après ça, on arrive à maner dans ta société secrète de Castor avec des immenses barrages en bois rond. On a eu plein de trucs avant, puis j'imagine que ça, le défi, à un certain point, en fait, puis comme lecteur, en fait, on se demande, bien, comment ils vont finir ça, mais des fois, je me dis, vous devez vous demander aussi, ben là, on est rendu là, comment on réussit à faire finir ça, puis à boucler la boucle, si on peut dire, de façon logique avec jusqu'où on en est rendu dans les tirages élastiques, dans le fond aussi. Ouais, ben moi, il y avait une joke que je savais que je voulais faire à la fin, puis c'était la fermeture du manège de la pitoune. Fait que je savais que le livre se terminerait sur une genre de rétrospective mélancolique sur l'ère de la drave, puis nanana. Fait qu'après ça, à un certain point, on commençait à faire des genres de pseudo-meetings où on se rencontrait, on buvait une ou deux bières, puis on jasait de trucs. Puis c'est là que... C'est ça, c'est devenu genre... je pense que c'est Xavier qui a eu l'idée de la finale Scooby-Doo que je veux pas trop raconter au complet, mais tu sais, c'est comme ça pourrait être... Tu sais, on savait que la poutine serait comme un mets interdit par le clergé, puis là, c'était pas trop clair comment on allait gérer ça. Là, on buvait, puis on se racontait, genre, ça pourrait être une grosse bataille, tu sais, je pense On a réfléchi, on a sorti tous nos bagages académiques, on a regardé des livres, on a passé des nuits à la bibliothèque, là, on s'est regardé, on a dit, tu sais, ça pourrait être une grosse bataille. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on a fait. Puis, tu sais, il y a comme des moments de bouclage de boucle, un peu, tu sais, comme que Joe Monferrand étampe le curé au plafond de la cathédrale, tu sais, c'est un peu arrivé... Justement, là, des genres de conversations où c'est comme « Ouais, ça pourrait être ça, puis ça pourrait être ça. » Puis, ah, ben finalement, ça a de l'allure, ce qu'on est en train de dire ça. Mais tu sais, je ne sais plus ce qu'on a dit d'autre dans ces conversations. Mais il y a sûrement vraiment comme 15 000 mauvaises idées qui se sont dites aussi. Là. J'ai pris pas mal de notes. On passe à travers. Ouais, la version 15e anniversaire avec tous les documents de travail, là, elle va être wild. On va tripler la taille de l'ouvrage. Ouais. Et en même temps, j'imagine que dans un contexte comme ça aussi, on sait qu'il y a des gardes-clochers, qu'il y a une sensibilité en abordant les origines de la poutine. Donc, c'est comment on se positionne aussi avec les sensibilités régionales. Oui, absolument. Écoute, puis là, tu sais, moi, je peux faire toutes les jokes de l'Outaouais que je veux parce que je viens de là, mais après ça, dans ce coin-là, c'est pas mon territoire. Puis la garde-clochers de la poutine. Fait que la solution la plus simple, je pense que c'était d'inventer un village avec un nom complètement ridicule comme Saint-Jacques-à-Patate-du-Lac, puis ça allait. C'est peut-être même que ça existe, dans le fond. Peut-être que c'est vrai. Oui, ou sinon Jean Coutu les fera dans ses dossiers mystères. Oui, absolument. C'est ça. Fait, en cas de doute, invente quelque chose, puis ça va heurter moins de monde. Et en terminant aussi, mention sur les interstices de chapitres où là, on va plus on s'amuse à refaire un peu un côté design, publicité de l'ancien temps, là. Mais ça, c'est Caton, en fait. Caton, elle a fait à un moment donné, elle avait fait un genre de fausse encyclopédie avec où elle reprenait l'almanach du peuple québécois, puis où elle reprenait des vieilles publicités comme ça. Puis je me suis dit, ça serait vraiment intéressant, puis ça ancrerait, tu sais, l'espèce d'esthétique un peu plus design, ça allait faire un genre de contraste avec le style plus lousse de Xavier, puis je me disais que ça serait intéressant. Puis, tu sais, toutes les blagues qui sont... C'est Catherine qui a écrit toutes les pages. J'ai donné un titre, je disais c'est tel chapitre, puis après ça, elle apprenait une publicité, elle la modifiait à son goût, mais ça, c'est du carton tout craché. Puis je trouve ça juste le fun, un livre où il y a comme plein de voix comme ça qui cohabitent, là. Ça fait une pause, en fait, où on change de rythme, un autre style visuel, puis après ça, on replonge dans un nouveau segment de l'histoire. Oui, puis il y a des bonnes jokes de tisane de cochon, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, là, je savais que ça allait être drôle, puis je le savais que ça faisait depuis un bout de temps que j'y parlais de ce projet-là, donc elle savait de quoi y en retourner, là, fait que je me disais pas, oh non, elle va pas du tout comprendre le ton du livre, là, tu sais, là, c'était juste une question qu'elle ajoute son grain de sel. Ouais, ça montre la valeur, je trouve, considérablement, là, de tout ça. Ça devient un vrai livre, là. Ah, t'es dur avec toi-même, là. Et vous avez parlé en cours de rencontre de plein d'idées autour du Bûche-Niver ou le reste. Est-ce que c'est une première collaboration, mais c'est pas une dernière? Est-ce que c'est un type de le folklore québécois qui pourrait revenir un peu dans une future collaboration? Ou... On le dit-tu? On peut. Tu veux-tu? Bon, on a un titre. Allez-y. C'est La Chasse-Galerie 2. La suite de La Chasse-Galerie. Oh! Ça se passe genre un peu après, tout le monde utilise des canaux tout le temps parce qu'ils se sont rendu compte que c'était pas si dangereux que ça. Puis là, le Québec est comme plongé dans une genre de panique satanique parce que tout le monde fait des deals avec le diable. Puis là, le Vatican commence à s'inquiéter, fait qu'il envoie une équipe de d'éradicateurs de... Fait que c'est ça, là, il y a plein de choses, là. On a plein d'autres projets. Pendant un bout de temps, on voulait faire un genre de Rashomon avec Dolores des Ormeaux aussi. Ah, ça serait bon. Ouais. Il y aurait comme les trois perspectives sur l'événement Dolores des Ormeaux, un peu comme dans Rashomon, il y a toutes les perspectives conflictuelles. Puis... Mais ouais, mais la Chasse-Galerie 2, ça s'enligne vraiment pour être la Chasse-Galerie 2. Il y a quelque chose qui parle, il y a quelque chose qui me parle. Je serais bien intéressé à voir ça. Ça fait longtemps qu'on l'attend, cette suite-là, là, tu sais. On n'a jamais su ce qui est arrivé après. Ah, ouais, c'est ça. C'est paf le canon. Et si les gens veulent comprendre pourquoi il y a une certaine excitation à parler de La Chasse-Galerie 2, eh bien, on jette un coup d'œil du côté de la pitoune et la poutine et on va tout comprendre. Ouais. Alexandre... Ouais, non, c'est ça. Ça va être la suite logique de. Oh, oui, clairement. Tout à fait. Alexandre Fontaine-Rousseau, Xavier Cadieu, merci à vous deux. Ben, merci à toi. Hein. Merci. Et à bientôt. Salut. Alors, je rappelle Xavier Cadieu, qui est donc dessinateur, Alexandre Fontaine-Rousseau, scénariste sur La Pitoune et La Poutine. C'est du côté des éditions Pow Pow. Et, en fait, nous, c'est un peu ce qui nous amène vers la conclusion de cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, ce sera la dernière édition de 2019 de l'émission. Et on termine ça avec un club de lecture. On diffusera en début de semaine prochaine les titres. Donc, si vous n'avez pas le temps de les noter, mais on va aller vers de la biographie à la hiérographie. À travers des titres comme Pablo, donc la série sur la biographie de Picasso. On va aller avec donc le livre sur Kaiser de Obama. On va aller vers Styx Angelica également. Donc, quatre titres qui s'intéressent un peu à ces pans-là. Ça sera le menu de la semaine prochaine, donc club de lecture. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.